بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كون نمبر 15 بار أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. كون نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في مراجعة المتن كعادتنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنية شرط للسائر العمل بالصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، ونفس والأموال للمعصوم تحرمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله من يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مفرعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع التلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلال. نعم. ومن مسائل الأحكام في التبع: يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا هو ما تيسر الأخذ منه. Ce qu'on a pu prendre jusqu'à aujourd'hui, yani, des vers de cette poésie du Mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc on a pu voir yani, dans le dernier cours, et on s'excuse par rapport au cours qui n'a pas eu lieu, car yani, ça peut arriver comme ça, yani, les cours nous tiennent à cœur, mais des fois yani, il arrive des imprévus, dans le sens où alors, il n'y avait plus de crédit pour suivre sur internet, et le mandat il a un peu tardé. Donc, on fait tout et les cours nous tiennent à cœur, tamam, et kaza le cas, le fait de venir à l'heure et l'akhirah, là qu'il peut arriver à certains imprévus comme cela. On est des pères de famille, on a des familles à faire précéder, des fois, au compte de la da'wah. Tamam, donc, Inch'Allah, as-sabr, tamam, la patience. On songeons la patience dans ce genre de situation, tamam. Et kaza le cas, le frère, il s'excuse. Le frère Mounir par rapport au cours de samedi, c'est-à-dire Usul al-Sunnah, Kadalika par rapport au même justificatif, qui est que, yani, des fois, la situation peut s'avérer que on ne peut pas suivre au niveau du pour recharger le crédit internet. Donc, il fera les cours yani au frère de Sanaa. Et ensuite, il les poste sur le site. Et je crois qu'il a déjà commencé. Hein, il a déjà commencé. Donc, il y aura un peu le Usul Sunnah le samedi soir, si je me rappelle bien, Naham. Ils auront plus lieu. Ils auront plus lieu sur Bélix. Le frère, il le fait directement à la mosquée avec les frères qui participent au cours. Et ensuite, ils sont postés. Donc, lorsqu'on peut, on fait du mieux. Et lorsqu'on ne peut pas, فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Donc, Inch'Allah, ce qu'on avait pu prendre dans le dernier cours, Naham, on avait pu voir que Al-Khata, l'oubli, Al-Ikara, la contrainte ou Al-Nisyan, elles ne sont pas prises en considération lorsqu'elles sont observées. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une chose par erreur, ou par contrainte ou par oubli, et ça ouvre la porte à ce qu'il ait fait un péché, ça, il n'aura pas de péché par rapport à ça. Si jamais il fait une chose qui est interdite, il n'aura pas de péché. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait bil khata, ou bin nisyan, ou al-ikara. Et ce qui est demandé afin d'être pris en considération, c'est-à-dire pour juger que la personne elle a commis un péché, c'est la volonté de cœur. Comme il dit, Jalla wa ala, wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Il ne sera pas pris en considération, wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi, lorsque vous commettez des erreurs, et walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah Azza wa Jal, il rétribue le péché pour ceux qui ont des volontés à désobéir et à l'akhirahi. Et كذلك on a pu voir par Nisyan, ça rentre dedans. كما يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Dans cette aya, il est demandé à Allah Azza wa Jal que les ibad ne soient pas pris, qu'ils ne soient pas comptés du nombre des pécheurs si jamais ils oublient ou bien si jamais ils font une erreur. إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك on a pu voir à travers le hadith إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Que Allah Azza wa Jal, il a fait faveur au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette communauté de ne pas prendre, de ne pas leur donner des péchés lorsque ils oublient, ils font une erreur ou bien lorsqu'ils sont contraints. Donc ça c'est dans les ibadat. On a pu voir ça dans les ibadat. À partir du moment où ces choses-là, ces causes-là sont observées, elles sont bien en place, et bien il n'y aura pas de péché. Asqatuhu ma'budun ar-Rahman, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de péché. Pourquoi? Parce que, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il amène l'amen biniyat. Donc celui qui n'avait pas l'intention de désobéir, il ne peut pas être pris en considération par rapport à cela. Ça, c'était l'adilla qui nous prouve la véracité de cette qa'ida-là. An al-khata wal-ikra wal-nisyan, comme il a dit, asqatuhu ma'budun ar-Rahman. Cette qa'ida-là fait partie de quel genre de qaïda? Ça, c'est une question, Inch'Allah, pour ceux qui ont eu la possibilité de suivre le cours, ou plutôt l'écouter. Donc, on a pu voir que ça fait partie des qawa'id qui sont kulliya. Des qawa'id qui sont kulliya, qui ne souffrent pas d'exception. À chaque fois que al-khata, wal-ikra, wal-nisyan seront observés, eh bien, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de péché. Et on a pu voir la qaïda. Elle peut être mustanbada comme elle peut être kazalikash. Dans le sens où il y a un hadith qui est l'énoncé de cette qaïda-là. Wal khata wal ikra wal nisyan. Fil hadith, inna Allah tajawaza an ummati, tajawaza li an ummati, al khata wal nisyan, wa mastukaraha alayhi. On a pu voir kazalika pour al-ikra, que la contrainte, elle a ses conditions, elle a ses normes. C'est pas toute chose qui est prétendue étant une contrainte qui est contrainte. La contrainte dans l'islam a ses conditions. Et parmi ces conditions-là, c'est que la menace soit réelle. C'est-à-dire la menace que la personne, il menace la personne de la tuer si jamais il ne donne pas son argent et la khirhi. Il faut que vraiment ce soit une chose qui soit concrète, qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Et on a pu voir que celui qui est menacé de faire une chose, yani, et il laisse un délai pour cela. Donne-moi ton argent, ou sinon, dans deux semaines, je t'exécute. T'as pas à répondre directement sur le moment. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le cas de contrainte. Il t'a dit dans deux semaines. Dans deux semaines, il peut arriver beaucoup de choses. La personne peut mourir. Comme la personne, celui qui menace, il peut mourir. Il a akhirahi. Donc, il y a, dans ce genre de situation-là, il n'est pas permis de répondre à la contrainte. Kadhalika, on a pu voir que celui qui menace, et n'est pas en capacité d'exécuter ce qui les menace, tant même qu'il avise. Comme un petit qui prétend qu'il va te tuer, tant même il n'a pas la kudra, il n'a pas la capacité, t'as pas à répondre. Et Kadarik, on a pu voir la contrainte, Mimbab al-Faïda, qu'elle se divisait en deux. Il y a des contraintes qui sont relatives, qui sont personnelles, c'est-à-dire que qui ne touchent pas le bien de la communauté. Celui qui dit donne-moi ton argent, sinon je te tue, t'as, dans ce cas-là, la personne, il lui a demandé s'il veut, maintenant, y aller, m'écroit, ou sinon je vais te tuer. Là, ça ne lui regarde que lui. Dans ce cas-là, il peut répondre à la contrainte tout en que son cœur soit pesé par la foi, comme dans la ayah. La hine, si jamais c'est une chose qui est relative à la religion et qu'il n'y a que cette personne-là qui est confrontée à cette chose-là, et si jamais il se plie à la menace, et ben le mal il va se propager dans la Ummah, comme c'était le cas de l'imam Ahmad lorsqu'il a été éprouvé avec le fait de dire que le Coran était créé. Dans ce genre de situation-là, il n'est pas permis de répondre d'apparence à la menace, même de se conformer d'apparence à la menace, car ça va ouvrir les portes au mal, à la communauté. Le fait que, si jamais il aurait répondu, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, que et le Coran, il était makhlouq, même si jamais d'apparence, il s'y conforme, là, qu'il son cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire que le Coran n'est pas makhlouq, il n'a pas créé, eh bien, ça aurait été un mal grand sur les autres personnes de la communauté, peut-être qu'ils auraient eu comme aqid à cela. Donc, dans ce cas-là, lorsque le mal il touche la communauté, il dit Cheikh al-Islam, Cheikh al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, comme Radad al-Salihin ou bien Qul al-Mufid, le charh de Kitab Tawhid, il dit que cette personne-là, donc, lorsqu'elle est dans un cas où elle est confrontée à une chose qui est relative à la communauté, il ne doit pas céder à la menace, et son maqam, c'est-à-dire sa position dans laquelle il doit faire part d'une fermeté, est telle à celui qui donne sa vie dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui combat dans le sentier d'Allah azza wa jal, il sacrifie sa vie au dépens du dîn, afin que le dîn soit élevé. Dans ce cas-là, il est compté comme un mujahid, comme un combattant dans le sentier d'Allah azza wa jal, qui doit sacrifier sa vie au dépens de la communauté, afin que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala elle soit la plus haute. C'est ce qu'on avait pu voir. On avait évoqué Kadalika, qu'il faut que tu rentres dans le stade de la torture, t'as vu? Celui qui, mathalan, est présenté à une menace dans laquelle il ne va pas être amené à mourir tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont taper plusieurs fois jusqu'à peut-être y en tomber dans les vapes et ensuite mourir. Dans ce cas-là, ils disent que le stade de la torture, le stade de la torture, ils disent que c'est à partir du moment où il se fait, mathalan, torturer pour la première fois. Là, il est sûr que si jamais il ne répond pas d'apparence, et bien ils vont continuer. Donc là, il est rentré dans le stade de la torture, dans le stade de la contrainte. Si jamais il menace, d'une menace qui est divisée en plusieurs parties, tamam. Et ben, il n'a pas à répondre directement parce que c'est possible que Naham, il ne va pas au-delà de ces menaces-là. Et il y a des exemples, beaucoup, dans l'histoire des salafs, ceux qui ont été confrontés à des menaces parmi les dirigeants, les koufars, parmi les chrétiens et les akhiri, tamam. Certains, ils ont menacé, tamam, et en vérité, à la fin, ils n'ont pas exécuté. Tamam. Ils ont présenté toutes les sortes de tortures, à la fin, la personne qui a fait part de fermeté, comme c'était le cas d'Abdullah ibn Huzafa Sahmi. Lorsque la personne, le roi, un roi parmi les Romains, lui a dit qu'il rentre dans la religion, qu'il soit chrétien. Et lui, il a refusé cela. Jusqu'à même, ils l'ont accroché sur un tronc et ils ont jeté des flèches qui allaient à droite à gauche pour faire peur. Ça n'a rien changé de Abdullah au niveau de sa fermeté. Abdullah ibn Huzafa Sahmi. Il a toujours fait part de fermeté, il a dit à Abedin. Il lui a dit, je te donne une partie de ma royauté, je te donne un de mes filles pour que tu délaisses ta religion et que tu embrasses la religion du christianisme. Il a dit là. Et ensuite, ils ont pris une personne, ils l'ont jeté dans un plomb qui a été fondu, du haut de chaleur. Cette personne-là qu'ils ont jeté, elle a fondu dans le plomb. Ensuite, ils ont pris ce compagnon pour lui dire que si jamais tu ne réponds pas, tu vas subir la même menace. Tamam, il a fait preuve de fermeté. Il a dit, je ne laisserai pas mon dîn. Tamam. Ils l'ont attrapé, l'ont mis devant cette grande marmite et il s'est mis à pleurer. Le roi lui a dit à ses gardes, attendez et ramenez-le-moi. Je veux savoir pourquoi il pleure. Ça se trouve qu'il a compris que maintenant il va rentrer dans le dîn des chrétiens. Il a dit, pourquoi tu pleures? Et il a dit, parce que je n'ai qu'une vie. qui va se faire éprouver dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite elle va mourir. Il dit, j'aurais tellement aimé avoir autant de vie que j'ai de cheveux qui se font châtier du châtiment dans lequel je vais être confronté, car il y a une grande récompense dans celui qui fait preuve de fermeté dans ce genre de situation là. Il ne s'est pas plié aux menaces, il a fait preuve de fermeté et le roi n'a pas exécuté sa menace. Ça pour nous dire que c'est pas toute menace qui est forcément concrète. Et les histoires de As-Salaf, Kathir Fidalika, Kathir Fidalika. Ensuite, on a pu voir que Al-Khata wa Al-Ikra wa Al-Nisyan, même ça c'est dans l'ibadat qu'il n'a pas de péché. Lakin, si jamais c'est par oubli, ou plutôt par erreur, il endommage un bien parmi les biens des musulmans, ou bien un kafir de la khiri, même si jamais il n'a pas à faire attention, t'as même voulu lancer une pierre sur un chien qui voulait maintenant le mordre, et la pierre, sa direction l'a dévié sur une voiture, t'as même, jusqu'à venir casser la vitre de la voiture, t'as même, il n'a pas fait exprès, lakin, il doit rembourser t'as même. C'est pas pour autant que, même si jamais il n'a pas fait exprès, que la vitre doit rester comme cela et que la personne à qui on lui a cassé sa vitre, elle n'est pas dédommagée. Ça, c'est pour tout ce qui est en rapport avec les biens des gens, même si jamais tu n'as pas fait exprès ou tu l'as fait par oubli ou tu as été contraint, même, tu dois rembourser. Tu dois rembourser cette chose-là. C'est pour ça qu'il a dit je ne l'ai pas lu sur, je crois. لكن مع التلاف يثبت البدل ويندفع التأثيم عنه والزلل. Celui qui fait une chose par oubli, par contrainte et par erreur, si jamais c'est relatif à une chose qui fait partie des biens, il doit remplacer ce bien-là et il n'aura pas de péché. Le péché, العمدة, il repose sur la volonté des cœurs. Quant au péché, il repose sur la volonté des cœurs. Ensuite, on a pu voir كذلك من القواعد يعني أن ما ثبت في التبع يعني يختلف حكمه في الاستقلال. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, lorsqu'elles seront mises à part, elles auront un jugement bien précis. Et d'autres choses, et ces choses-là, ces mêmes choses, lorsqu'elles seront comprises dans une autre affaire, tamam, son jugement qui est à la base interdit, il va changer. Pourquoi ? Parce qu'il sera compris avec une autre. On a pu citer des exemples à travers cela, comme مثلاً يعني la زكاة الجنين, tamam, زكاة الجنين. On a pu voir par rapport à un hadith, un Nabi Sallam qala zakat al-janin zakat ummi. Si jamais tu es confronté à avoir une vache, et cette vache-là est enceinte, et la personne veut l'égorger pour bénéficier de la vente, de la viande et de l'akhiri. Lorsqu'il va l'égorger, et ensuite il va l'emmener au boucher pour qu'il ouvre et qu'il partage la viande, il va se rendre compte que cette vache-là est enceinte et qu'elle a un enfant. Cette vache-là, elle a été égorgée, yani selon les lois de l'islam, c'est-à-dire égorgée, le nom d'Allah Azzawajal a été prononcé. Est-ce qu'il peut profiter de la viande du veau, qui n'a pas, lui, été ni égorgé, ni le nom d'Allah Azzawajal a été prononcé, t'as-t-il? Dans ce cas-là, elle a le droit. Pourquoi? Parce que le veau, il fait, c'est comme si jamais c'était une partie, t'as-t-il? C'est comme si c'était une partie de viande de la mère, t'as-t-il? C'est pour ça que l'Islam l'a dit, zakat al-janin, zakat ummi, t'as-t-il? Le fait que tu égorges la mère, c'est comme si jamais tu avais égorgé le veau, t'as même, c'est comme si tu avais égorgé le veau, t'as même. Le veau en lui-même, si jamais tu veux le manger, si jamais il n'est pas dans le ventre de sa mère, tu dois l'égorger, t'as même, tu dois l'égorger et tu dois te prononcer le nom d'Allah Azzawajal. Si jamais tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de le manger. Dans ce cas-là, tu ne l'as pas fait, ni tu as prononcé le nom d'Allah Azzawajal et ni directement tu l'as égorgé. Lakin, lorsque il a été compris dans une autre dans un autre corps, son corps, elle a été comme une partie d'âme de sa mère, c'est-à-dire que le jugement, il a différencié. Il a été différent plutôt. On a pu citer Kazalika comme exemple. Aniyabatu fi salah. T'as salah, t'as pas le droit de prendre la place de quelqu'un et prier à sa place, mathalan, al-dhahr, al-jumu'ah, ou bien n'importe quelle salawat, t'as même, t'as pas le droit de prier pour sa place. Chacun, il prie ses prières. La personne dit, je suis fatigué, tu peux prier à ma place, s'il te plaît, le dhahr. Ça, il n'y a pas d'existence dans l'islam, t'as même. Lakin al-Hajj, mathalan, al-Hajj, ma'rouf, dans le Hajj, il y a plusieurs rites et plusieurs ibadat. Et parmi ces ibadat-là, le fait, lorsque tu as fini le sa'i et le tawaf, de te mettre derrière Maqam Ibrahim et de prier rak'atayn. T'as la personne qui prie le Hajj et qui fait le Hajj pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose qui est légiférée dans l'islam. Pour celui qui n'avait pas la capacité, qui est mort, et il n'a pas fait le Hajj. Il n'avait pas la capacité, il n'a pas fait le Hajj, il a khiri. Tu peux faire le Hajj à sa place. T'as lorsque tu vas faire le Hajj, à sa place, tu vas prier à sa place les deux rak'ah. Ça rentre dans les deux rak'ah de Maqam Ibrahim. Donc c'est deux rak'ah qui, à la base, yani, lorsqu'elles sont toutes seules, tu ne peux pas les faire à la place de quelqu'un, mais lorsqu'elle est comprise dans une ibadat dans laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam légiférer que tu peux remplacer la personne, et bien le jugement il différencie, c'est-à-dire que tu peux prier, et cette prière-là tu vas la faire pour cette personne-là, c'est-à-dire que, comme ils ont dit, yani ma sabata fi naham yathbutu fi attaba' ma la yathbut fi istiqlal. Il y a des choses qui, lorsqu'elles sont comprises avec d'autres, leurs jugements vont différencier à celui qui, plutôt au jugement qu'ils ont lorsqu'ils sont séparés. Donc ça, c'était ce qu'on a pu voir comme qawaid dans le dernier cours. On poursuit, inshallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع شريف لم يحد. المؤلف رحمه الله تعالى dans ces vers-là nous fait part d'une nouvelle qaida parmi les qawaid les plus importantes des qawaid al-fiqhiyya, qui est plus connu dans, sous le nom de أن العرف والعادة محكمة ومحكمة, que la coutume et l'habitude a sont pris en considération dans l'islam. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد. Il dit la coutume, ou plutôt on peut appeler ça même l'habitude, معمول به, elle est appliquée إذا ورد, به إذا ورد, lorsque elle est mentionnée. حكم من الشرع شريف لم يحد, lorsque un jugement de l'islam, tamam, il n'a pas été proprement défini dans ce cas-là. Comment on peut s'adonner à cette adoration-là, tamam, et à ce jugement qui fait partie des jugements de l'islam, lakin qui n'a pas été proprement défini? Eh bien, on revient à la coutume, tamam. Et cette qaïda-là, tamam, a fait partie parmi les qawaïd qui sont les plus importants, comme on a pu le voir, qui sont, c'est une qaïda parmi les qawaïd dont les ulama sont tous muttafiqun alayha, ils sont tous unanimes sur la véracité de cette qaïda-là, comme l'a évoqué al-Sheikh al-Bassam alayhi rahmatullah fi kitabihi tawdih al-ahkam, yani un sharh de Bulugh al-Maram. Il a évoqué que cette qaïda-là, c'est une qaïda qui est kulliya, qui ne souffre pas d'exception. Toutefois, où un jugement dans l'islam viendra et qui n'est pas proprement défini, comment on fait pour connaître sa définition ou le mettre en application lorsqu'il n'est pas proprement défini? On revient à la coutume, on revient à l'habitude qu'ont les gens, yani, afin de pouvoir l'appliquer comme ils font les gens, ça c'est si jamais il n'a pas été défini, proprement défini, si jamais il n'a pas été proprement défini, on revient à la coutume, et ça c'est une qaïda qui est kulliya, une qaïda qui est kulliya et mustanbata من أدلة الكتاب وسنة لدليل كبر صلاة قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف, تمام, c'est-à-dire que نعم excuse les gens et il est dit وأمر بالعرف, c'est-à-dire ordonne le convenable, et les ulama ont pris comme déduction de cette ayah là وأمر بالعرف, qui est quoi, yani ordonne les choses qui sont coutumières, les choses qui sont d'habitude chez les gens, تمام. Cette ayah là ils l'ont pris pour indiquer que cette qaïda là elle est bâtie sur la lumière du kitab. Wa kadhalika qawlu subhanahu wa ta'ala qawlu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Hind mar'atu Sufyan Abi Sufyan, la femme de Abu Sufyan, qui lorsqu'elle était venue voir le prophète sallam qalat inna Abu Sufyan rajulun shahih, c'est une personne qui est avare, qui ne dépense pas pour sa famille, yani comme il se doit. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Il lui a dit, النبي صلى الله عليه وسلم, prends de son argent la suffisance, yani ce qui te suffira pour toi et pour ton enfant, tamam, بالمعروف, donc convenable. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas défini comment s'appelle une somme, yani bien précise, tamam, il lui a pas défini une somme bien précise, il lui a ordonné. Le fait qu'il lui ordonne de prendre l'argent de son mari même sans son autorisation, parce que c'est une chose qu'il se doit de dépenser qu'il ne fait pas, donc elle a un droit dans cette somme, elle a un droit et une partie dans cette somme d'argent, même dans l'argent de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il a ordonné. Le fait qu'il ordonne, c'est un jugement qui devient parmi les jugements d'un islamique, même. Lakin, il n'a pas été défini. Il a dit, il lui a pas dit prends 100 dinars, prends 200 dinars, prends 400 dinars. C'est un jugement qui n'a pas été défini. Lorsque c'est comme ça, on revient à quoi? À l'habitude et à la coutume. Yani, quelle est la somme d'argent qui suffit à une femme et à un enfant pour la journée? Yani, selon la coutume des gens, yani, la chose qui est connue, qui est instaurée chez eux, qui fait que yani, cette somme d'argent-là, elle va suffire pour la journée. Ça dépend d'un pays à un autre. Donc là, c'est un hadith qui est clair et net précis, qui montre la véracité de cette qaida-là. Parce que Nabi Sallam, il a ordonné une chose qui est un jugement dans l'islam, laquelle qui n'a pas été définie. Et il a renvoyé cette femme-là et lui a ordonné de prendre l'argent de son mari dans le convenable, selon la coutume qui est instaurée chez eux, dans lequel elle va trouver une suffisance lorsque elle va prendre cet argent-là pour la journée, pour elle et son fils. Voilà de qui, non, pour son fils. Donc, Hadil Adillam, Yal Kitab wa Sunnah, yani nous montre bien que cette qaïda-là, c'est une qaïda qui est bien instaurée, qui est bien instaurée. Al-Urf, qui se traduit en français par l'habitude, qui m'a dit al-ulama, alayhim rahmatullah, كل ما هو كل ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. Qu'est-ce qu'une habitude? Qu'est-ce que la coutume? C'est toute chose que les gens ils ont l'habitude de faire parmi les choses qui ne rentrent pas en contradiction avec quoi? Le kitab et la sunna. Donc al-urf, c'est une chose dans laquelle les gens ont l'habitude de faire, qui est coutumière chez eux. Parmi les choses qui font pas quoi, qui rentrent pas en contradiction avec le kitab et la sunna. Donc on comprend à travers cette définition là que toute habitude qu'ont les gens et qui est coutumière chez eux, lakin qui vient contredire le kitab et la sunna, c'est pas pris en considération comme une habitude dans l'islam. Même si jamais c'est une habitude chez les gens, lakin dans l'islam c'est pas pris comme une habitude, lakin comme un péché. Pourquoi? Parce que ça vient contredire le kitab et la sunna. Donc l'urf, pour répéter, tous ceux, les choses que les gens ils ont habitude de faire parmi les choses qui ne rentrent pas en contradiction avec l'islam. Donc l'urf, c'est pas conditionné qu'il soit conforme au kitab et à la sunna. Ce qui est demandé dans l'urf, c'est qu'au moindre des degrés il ne soit pas quoi en contradiction avec le kitab et la sunna, yani avec l'islam. Al-urf yanqasimu ila qismayn, comme on a pu le voir à travers cette définition là, qui est un urf qui est quoi? Qui est fasid. C'est celui qui contredit le kitab et la sunna, qui contredit l'islam, chose qui est habituée des coutumières chez eux, lakin qui contredit le kitab et la sunna. Ça on va l'appeler urf, lakin un urf qui est fasid, qui n'est pas pris en considération, qui est rejeté. Et un urf qui est sahih. Et ce urf là qui est sahih, qui est considéré dans l'islam, c'est-à-dire qui ne rentre pas en contradiction avec l'islam, il a ses conditions. Il a ses conditions. La première condition, il y en a celle qu'on a pu évoquer à travers la définition, c'est-à-dire que il ne rentre pas en contradiction avec l'islam, avec le kitab et la sunna, afin qu'il soit considéré. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette chose-là qui est coutumière et dont les choses ils ont les gens ils ont trouvé une habitude à faire, que ce soit une chose qui est quoi? Qui soit bien connue auprès des gens. Qui soit bien connue auprès de la majorité des gens, ou bien la totalité des personnes de cette ville-là, ou bien les personnes de ce pays-là. C'est une chose qui est connue et qui est une habitude qui est bien connue auprès d'eux. Soit pour la totalité de ces personnes-là, de cette ville, ou bien de ce village-là, ou bien de ce pays-là, ou bien pour la majorité. À partir du moment où c'est une infime partie de cette communauté-là, qui ont l'habitude de faire, ils ont l'habitude de faire cette chose-là, ça ne sera pas compris comme quoi un urf. Pourquoi? Parce que une autre partie qui est la majorité, eux ils ont une habitude qui est contraire à celle-là. Donc ce qui est pris en considération dans les habitudes et les coutumes, c'est les choses dans lesquelles la majorité des gens ils sont unanimes dessus, ou bien la totalité des gens. Donc ça c'est la deuxième condition, qu'elle soit connue auprès de la totalité ou bien la majorité des personnes. La troisième condition, an la takuna tari'an, c'est que cette chose-là, il faut qu'elle soit connue, que ce soit pas une chose qui soit nouvelle. Pourquoi? Parce que la chose qui est nouvelle, elle a pas eu le temps d'être propagée et connue et auprès des gens. Et une chose, afin qu'on dise qu'elle soit une coutume, une habitude, il faut qu'elle soit connue auprès des gens. Si jamais c'est une habitude qui est nouvelle, qui est fraîche, ça, on peut comprendre à travers cela qu'elle n'a pas eu le temps de se propager et de s'étendre au sein de la communauté, afin de dire que la majorité de ces personnes-là, ils sont d'accord que cette chose-là, les coutumières chez eux, est la khiriyat. Donc, il faut que ce soit une chose qui soit bien connue. Une chose qui soit bien connue auprès de la totalité ou bien la majorité des gens. Donc là, ça fait une, deux, trois. La quatrième condition, c'est que ce urf-là, il ne vient pas s'opposer à un qul sarih ou bien un amal qui est sarih. Une chose qui est, la personne a évoqué et prononcé un terme qui est net et précis, à partir du moment où elle a évoqué un terme qui est net et précis, et ben, on ne peut pas prendre en considération, dans ce cas-là, yani al-urf. On prend pour exemple, afin que cette condition-là soit bien comprise, si matalan, yani, la coutume elle est instaurée chez la majorité ou bien la totalité des gens, dans le commerce, matalan, lorsqu'il y a une transaction qui est faite entre un client et un vendeur, matalan, on va prendre l'exemple pour une maison, une maison. La personne, elle veut vendre une maison. J'ai une maison, je veux la vendre à une autre personne. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui tient un commerce dans l'immobilier. Il rachète des maisons pour les revendre ensuite. Il a trouvé un client qui est moi. J'ai une maison, je veux la vendre. Cette personne-là qui détient ce commerce-là, c'est-à-dire l'acheteur, il a des, comment ça peut être, des intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui cherchent après, pour lui, des clients afin que ces maisons-là soient vendues. On va dire que la coutume, elle est instaurée chez les gens que c'est celui qui vend qui doit donner l'argent à l'intermédiaire, c'est-à-dire celui qui va courir dans les rues afin que cette maison-là soit vendue après. Si jamais moi j'ai dit, mathalan, je te vends ma maison, laquine à un prix net, c'est-à-dire que c'est toi qui as la charge de payer cet intermédiaire-là, c'est pas moi. Le fait que j'ai dit c'est à toi de payer, si jamais la coutume est que normalement c'est à moi de payer, le fait que moi j'ai dit je te conditionne que si jamais je te la vends, cette maison-là, que ce soit toi qui paye l'intermédiaire, et c'est pas moi. Le fait que j'ai prononcé une chose qui est claire, nette et précise, on ne peut pas prendre en considération quoi la coutume, et de dire non, c'est à toi, Abdallah, de déverser l'argent pour l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que là, cette coutume-là, c'est opposé à un qol qui est quoi? Qui est sarih, un qol qui est sarih, qui est bien net et précis. Donc là, ça rentre dans le hadith, al-muslimun ala shurutihim. J'ai un shart, on s'est mis d'accord sur des conditions, tu as accepté, tu n'as pas le droit de revenir dessus, même si jamais la coutume, elle est que normalement c'est à moi de payer, laquine, je t'ai posé une condition et toi tu l'as agréé. Donc ça c'est un exemple afin d'éclaircir cette condition-là qui est que al-urf, il ne faut pas qu'il s'oppose à une parole ou bien un ramel qui est un acte, il y en a qui est bien précis, qui est compris auprès d'eux, qui est compris auprès d'eux. Wal-urf, kadalika, yanqasim ala qismayn min haythu al-qawl wal amal. Ça peut être comment s'appelle une coutume qui est connue, yani à l'oral, yani mathalan, ils ont une coutume lorsque ils veulent vendre une chose, ils ont une parole à dire afin de qu'il se soit compris que yani khalas, inshallah, ils se sont mis d'accord, j'agrée mathalan, il dit j'agrée. Ils ont une coutume dans ce pays-là que la vente elle est prise en considération que lorsque l'un des deux dit j'agrée. L'un des deux dit j'agrée. Donc ça c'est une coutume qui est connue, yani qawliya, c'est-à-dire que c'est une parole. Ou un geste mathalan, il claque des doigts, ça veut dire que khalas, inshallah, la vente entre toi et moi elle est conclue, tamam. Ça c'est parmi les choses qu'ils ont évoquées. Kazalika, al-urf, tamam, yanqasimu ila qismayn min haythu an-nas. T'as un urf qui est âme et un urf qui est khas. Le urf qui est âme, c'est celui qu'on a évoqué, celui qui est instauré dans la totalité, auprès de la totalité ou bien la majorité des gens. Et le urf qui est khas, c'est une habitude et une coutume qui est connue chez une partie des gens. Mathalan, on va prendre l'exemple de Mathalan les muhaddithin. Al muhaddithun, lorsqu'il dit marfou', comme on a pu voir dans la série de cours de Sulsila al-Sahih, plutôt je veux dire al-Bayhaqiyya, on a pu voir que lorsqu'il dit al-hadith al-marfou', Tamam, ce sens-là, il a un autre sens. Cette habitude qu'ils ont d'utiliser ce terme-là, il a son sens, il est autre que al-marfou' fi al-lugha, tamam. Mathalan, ces personnes-là, cette petite communauté parmi la communauté de la Ummah, tamam, ils ont une habitude, lorsqu'ils disent marfou', c'est pour dire que le hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tamam. Ça, c'est une habitude qui est instaurée chez une infime partie des gens parmi les parmi la communauté. Tamam, ça c'est ce qu'on appelle un urf khas, et la autre terminologie qui s'appelle quoi, al mustalah, c'est-à-dire un sens conventionnel. Tamam, donc ça kazalika, c'est une habitude laquine qui est connue chez une infime partie de la communauté. Tamam, c'est-à-dire que eux, à partir du moment où tu rentres dans leur matière ou bien dans leur fen, lorsqu'ils disent une chose, tamam, ils ont l'habitude d'employer un terme, ce terme-là, il revient à la coutume et à l'habitude qu'ils ont entre eux. Tamam. Ça, kadhalika, c'est les choses, parmi les choses qu'ils ont évoquées dans l'urf. Ou alors, kadhalika, c'est bien de minbab al-faïda. En français, on a du mal peut-être à faire la différence entre l'urf et l'ahada, c'est-à-dire la coutume et l'habitude. Tamam. La coutume et l'habitude. Amma fil arab, il y a une différence entre les deux, entre l'urf et l'ahada. L'ahada, elle est plus globale que l'urf. Toute coutume est une habitude dans l'islam. Tamam, est une habitude dans l'islam. Pourquoi? Parce que l'ahada, ça vient de l'aoud. Tamam, la chose qui se répète. Tamam, la chose qui se répète. Tamam, et naam, l'habitude, c'est une chose qui se répète. Et le fait que cette chose-là se répète, c'est comme si jamais c'était l'ahada. Tamam, c'est comme si c'était l'ahada. C'est pour ça qu'ils ont dit tout urf, c'est une hada. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui se répète. Al-urf, c'est l'habitude, c'est une chose qui se répète. On peut appeler ça kazalika une hada. On peut appeler kazalika une hada. Pourquoi? Parce que elle se répète. Al-urf, il est plus particulier que l'hada. Pourquoi? Parce que al-urf, comme on a pu le voir, ça peut être une chose qui était propre à toi. J'ai une habitude, lorsque je me lève, j'aime bien manger une date, maintenant. C'est pas une chose qui est connue dans la totalité de la majorité des gens. C'est pas une habitude qu'ont la totalité des gens. La kins, c'est mon habitude à moi. C'est mon habitude à moi. Amma al-ada, c'est une chose qui est connue chez la communauté. La plupart des gens, la majorité des gens, bien la totalité des gens. Donc là, il y a une différence entre quoi? Al-urf et al-ada. Al-ada, la buddha. La buddha, qu'elle englobe cette coutume-là, la majorité ou bien la totalité de la communauté ou bien des gens ou bien des personnes de cette contrée-là, du village, de la ville, il a rien. Amma al-urf, c'est pas forcément une chose qui peut toucher la majorité ou bien la totalité. Ça peut être une chose qui est connue chez un particulier. Bas, tamam. Donc, à travers cette définition-là, on voit qu'il y a une différence entre quoi? Al-urf ou al-ada. Tamam. Entre l'urf et l'ada. Toute ada, c'est un urf. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui se répète et qui est comme une habitude, tamam. Et c'est pas tout l'urf qui est forcément une hada. Pourquoi? Parce que l'urf, ça peut être rien chez une personne en particulier. Et l'hada, il est conditionné afin qu'on dise que c'est une hada, que ça touche la totalité ou bien la majorité de la communauté, ou bien des gens d'une ville, tamam, et l'akhiri, par les choses qu'on a pu évoquer. Donc ça, c'est en résumé ce que comprend cette qaida-là. Cette qaida-là qui est quoi? Al-urf muhakkima. Okay, tu peux dire muhakkama, c'est-à-dire qu'elle est prise en considération. À partir du moment où le jugement dans l'islam, il n'a pas été défini. Hein, il n'a pas été défini comme on a pu voir à travers le hadith de Hind. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de prendre l'argent d'Abu Sufyan qui ne lui donnait pas les dépenses qu'elle avait besoin. Il lui a dit, prends l'argent que tu as besoin pour toi et pour ton enfant. Hein, il ne lui a pas défini une somme bien précise. Lakin, le fait qu'il a ordonné, c'est un jugement dans l'islam qui n'a pas été défini, c'est-à-dire qu'on revient à quoi quand c'est dans ce genre de choses, dans ce genre de situation-là, on revient à quoi? À la hada. Tamam, on revient à la hada. Tamam, là, l'habitude et la coutume qui est instaurée chez les gens. Tamam, la somme qui suffit dans la journée. Maintenant, si ils savent, la coutume, elle est instaurée que, maintenant, on va dire pour nous ici, il y en a 500, plutôt il y en a 1500 riyals, 2000 riyals. Tamam, c'est une somme qui suffit à une personne et pour sa femme. Tamam, pour son fils, hein, eh ben, on va prendre en considération cette somme-là. C'est-à-dire qu'elle va et elle prend 2000 riyals. Hein. Si jamais elle prend au-dessus de cela, eh ben là, Yanni, ce sera Elle a transgressé, tamam? Elle a transgressé. C'est-à-dire que, mathalan, si le mari vient et il dit, elle m'a pris de l'argent, tamam? Elle m'a pris, on va dire, mathalan, 3000 riyals. On va dire, mais toi, Aslan, tu lui as pas donné l'argent qu'elle a besoin. Il va dire, mais elle a pris une somme qui est au-dessus de la hada. La coutume chez nous, c'est que 2000 riyals, ça suffit pour la journée. On va lui dire, rends 1000 riyals à ton mari et garde les 2000 riyals. Mathalan, si jamais il revient à un juge et ils ont eu un divergent, tamam? Il revient au juge et le juge, il dit, les 1000 riyals que tu as pris, ils sont au-dessus de la coutume et de l'habitude. Donc tu les rends et garde les 2000 riyals pour toi et ton fils. Tamam? Donc ça, c'est ma'na. Hadil qa'ida. العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى معاج المعذور قبل آنه قد باب بالخسران مع خسر مع حرمانه. نعم الله المستعان. dans ce bait là, المؤلف رحمه الله تعالى nous fait part d'une قاعدة dans laquelle il a évoqué dans ces vers là que la personne qui s'empresse à vouloir aboutir à un bien, à une chose avant son heure. Et il dit que cette personne-là va être rétribuée par l'inverse de son intention. Tu veux mettre la main sur une chose avant son heure, avant qu'elle te soit autorisée. Si jamais tu le fais, c'est-à-dire avant le moment qu'il est autorisé pour toi, il dit, al-mu'allif rahimahullah ta'ala, cette personne-là va être rétribuée par l'inverse de son intention, c'est-à-dire que on va pas lui donner ces choses-là dans lesquelles il sera empressé de prendre avant son heure. Citons un exemple, yani, avant d'expliquer cette qaïda-là, afin qu'elle soit plus claire. Mathalan, Mahrouf, yani, celui qui meurt, il a des héritiers, tamam? Ces héritiers, avant que la personne meure, ils se disent, on va lui monter un complot afin de le tuer. Pour qu'ensuite, il y en ait plus rapidement, parce que cette personne-là, mathalan, on va dire qu'elle a encore, elle est en bonne santé, t'as-t'en. Et elle est jeune, t'as-t'en. Elle est jeune, et elle est en bonne santé, et elle est riche, t'as-t'en. Et ces personnes-là, ils veulent s'empresser. Ils savent qu'ils ont une part de l'héritage. Mais ils disent, quand est-ce qu'il va mourir? Et on a besoin d'argent. Venez, on le tue. Comme ça, inch'Allah, on prend, l'argent, t'as-t'en, de l'héritage qui nous revient. T'as-t'en. Ils se sont empressés de mettre la main sur une chose qui leur a autorisé, la kin avant l'heure, t'as-t'en. Avant l'heure, cette part d'héritage-là, ils n'ont pas le droit de profiter de l'argent de cette personne-là qu'après qu'il soit mort. T'as-t'en. Donc ils l'ont tué afin de prendre l'héritage. T'as-t'en. Là, il dit, lorsque tu t'empresses de faire ce genre de choses-là, on a connu ta niya, et ben, l'héritage, il te sera interdit. Tu seras rétribué par l'inverse de ton intention. C'est-à-dire, tu avais l'intention de prendre l'héritage par une tariq, un moyen qui n'est pas légiféré, t'as-t'en, avant son heure, et donc quand l'héritage-là, avec le péché qu'ils auront commis, c'est-à-dire d'avoir tué cette personne-là, afin d'hériter de son argent, cet héritage-là, il sera interdit pour eux, il sera privé. Ils seront privés de cet héritage-là. Ça, c'est la ma'na de la qa'ida avec l'exemple qui explique cela. Malgré que cette qa'ida-là, c'est une qa'ida qui a été dans laquelle il y a une divergence. Comme on a pu voir dans la muqaddima de ce kitab-là, la qa'ida, afin qu'elle soit dite, que ce soit une qa'ida, on a pu voir qu'il y a deux sortes de qa'ida. T'as celle qui est kulliya qui ne souffre pas d'exception, et t'as celle qui est quoi? Arlabiya. T'as même qui souffre d'exception, lakin, dont les exceptions sont infimes, elles sont rares. T'as. Et ils disent, yani, dans l'islam, lorsqu'une chose elle est rare, elle ne prend pas l'empas sur la majorité des cas qui sont impliqués. T'as. C'est-à-dire qu'on prend en considération cette qa'ida-là, même si jamais elle a des exceptions qui sont infimes. T'as. On ferme les yeux sur ces exceptions qui sont infimes, et naam, ça va, elles n'auront pas d'influence sur la véracité et la validité de cette qaïda-là. En dehors de cela, c'est pas plus une qaïda. C'est-à-dire que si jamais on veut mettre une règle en place, et que cette règle-là, elle a beaucoup d'exceptions. Elle a beaucoup d'exceptions, elle souffre beaucoup d'exceptions. Ces exceptions, elles sont beaucoup plus que les choses qui sont mises en application. On peut pas appeler ça une qaïda. Pourquoi? Parce qu'elle souffre d'exceptions qui sont énormes et kathires, qui sont nombreuses. Et kada les cas, si jamais, ça rentre dedans, kada les cas, si, les exceptions, elles sont beaucoup plus nombreuses, t'as, ou bien elles sont d'une grande quantité, t'as, une grande quantité. À partir de ce moment-là, t'as, on peut plus appeler ça une qaïda. Pourquoi? Parce que on ne sait plus quand on peut l'appliquer. Il y a trop de cas d'exception, t'as, il y a trop de cas d'exception qui sont peut-être des fois beaucoup plus nombreux, ou bien qui sont d'une grande quantité. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir l'appliquer, on va être dans le doute. Est-ce que ce cas-là, c'est un cas d'exception ou pas? Donc le fait que cette probabilité-là, elle est instaurée, ça fait de cette chose-là qu'on ne peut plus l'appeler qaïda. On ne peut plus l'appeler qaïda. Et parmi les exemples qu'ils ont cités, parmi les qawaïd, qu'ils ont été cités, là qui en vérité, les ulama ont divergé, certains ont dit, c'est même pas une qaïda. Cette qaïda-là qui est quoi? Muhadil muhzur qabla anihi. Celui qui s'empresse de mettre la main sur une chose avant son heure. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Kadaka, il l'interprète par un autre titre en disant que, نعم من تعجل شيئا يعني بالمعنى من تعجل شيئا قبل أوانه تم قبل آنه نعم يعاقب بنقيد قصده. Celui qui s'empresse de faire une chose avant son heure, تمام, on va lui donner la rétribution, يعني بالمعنى, de l'inverse de son intention. Car مثلا ils disent, يعني parmi les cas qui nous montrent que cette قاعدة là c'est pas une قاعدة, ils disent مثلا la personne qui volontairement, تمام, se blesse, تمام, se blesse. Cette personne, elle est feignante. Volontairement, elle se blesse, elle se blesse au pied, afin de ne pas prier debout. Elle se dit, comme ça au moins, je vais prier à la maison et je ne vais pas aller à la mosquée. J'ai pas envie d'aller à la mosquée elle est loin. Il trouve une ruse, c'est de se casser la jambe afin de dire, bah, je suis excusé, j'ai la jambe elle est cassée, je peux ni me tenir debout, ni qu'à aller à la mosquée. Est-ce qu'on dit que cette personne-là, qui a fait cette chose-là, comme ils disent, il y en a celui qui fait une chose qui est interdite, eh ben, il est rétribué par l'inverse de son intention. Est-ce qu'on va lui dire, t'as voulu ruser, eh ben, tu vas être rétribué par l'inverse de ton intention, c'est-à-dire que tu voulais pas aller à la mosquée, eh ben, on va te forcer pour aller à la mosquée avec ta jambe cassée là. C'est pas possible. Il aura commis un péché, prie chez toi, Lakin, t'auras commis un péché. On va pas lui dire, sors. Ou bien mets-toi debout, va à la mosquée, mets-toi debout. On ne va pas le rétribuer par l'inverse de son intention. Donc, Adal Kamathalam, celui qui prend des médicaments afin d'être malade pour ne pas jeûner à Ramadan, pour ne pas jeûner le mois de Ramadan. Il a pris ses médicaments et fi'alan, effectivement, il s'est trouvé malade d'une maladie qui fait qu'il ne peut pas jeûner. S'il jeûne, il va trouver une grande difficulté et une nuisance dans la santé, au niveau de la santé. Est-ce qu'on va lui dire? On va te rétribuer par l'inverse de ton intention, c'est-à-dire que tu dois jeûner malgré que ça va ouvrir des portes à ce que ton état de santé va se dégrader là. On ne peut pas lui dire qu'on le rétribue par l'inverse de son intention. Même s'il a commis une chose qui est interdite, on va lui dire t'as commis un péché, t'as voulu par ce biais-là pas jeûner à Ramadan, et bien tu ne jeûnes pas à Ramadan. T'es comme celui qui volontairement avait la volonté de pas jeûner, t'as même. Donc, Kaza Lika, on va lui dire, t'es dans le même cas de cette personne-là, c'est-à-dire que tu dois faire tawba. T'as même pas rattrapé Hatta Ramadan, tu dois faire tawba, comme celui qui, comme on a pu voir à travers les cours de Mulakhas al-Fiqhi, celui qui volontairement annule un jour de Siyam, qui est obligatoire, il n'a pas à le rattraper, t'as même, il ne rattrape pas, et toub il Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, on parle de Siyam Ramadan, et toub il Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, Kaza Lika, on lui dit, t'as pas à jeûner, lakin, t'as une tawba, et tu seras exposé Yom al-Qiyamah à un châtiment avilissant. Et les exemples qui montrent que cette qaïda-là, il y a souffre beaucoup d'exceptions, ils sont nombreux. Au Mathalan Kadalika, celui qui touche ses parties intimes, afin qu'il ne prie pas, il se dit j'ai plus l'odo. Est-ce qu'on va lui dire, dans ton cas qui est que tu as perdu l'odo, on va te rétribuer par l'inverse de ton intention, c'est-à-dire prie en état d'impureté, là. On ne peut pas lui dire cela. Et les exemples, il y en a qui prouvent cela, ils sont nombreux. Donc cette qaïda-là, elle est mutanazia. On ne peut pas l'appeler qaïda. Celui qui fait une chose interdite volontairement, parce qu'il intentionne une autre chose à travers cela, on ne peut pas lui dire on va te rétribuer par l'inverse de ton intention. Cette qaïda-là, ce n'est pas une qaïda. Pourquoi? Parce qu'elle souffre d'exception. Lakin, certains exemples, ils sont pris en considération, comme on a pu l'évoquer, avec le cas de celui qui tue Yanni, comment on s'appelle, la personne qui tue l'héritier, t'as même. C'est-à-dire qu'on la met en application dans certains cas et dans d'autres, non. Donc c'est pas une qaïda, t'as même. Cette qaïda-là qu'il a évoqué hier, c'est pas une qaïda. On va rajouter une, puisqu'elle est simple, on a pu la voir à travers Sifat al-Salah. Qal al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il nous évoque une qa'ada qui est muhimma, qui est importante, qui fait partie des qawa'id, yani qui ne sont pas d'exception kulliya, mustanbata, qui sont déduites du kitab de la sunnah, dans lequel nous évoque Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala que toutefois où à l'interdit, une chose, un interdit, il va être lié à la propre adoration, ou bien à la condition qui revient à l'adoration, si jamais cette chose-là, cet interdit-là, il a été violé, qui revient directement à l'adoration, et bien ça va faire cette adoration-là, si jamais la personne s'y adonne, que son acte d'adoration, il va être invalide, il va être invalide, ou bien si jamais ça a une interdiction et la khairi, qui revient à quoi ? Une condition, qui est liée à une adoration. On prend le cas pour cela de as-salah, ou plutôt as-siyam. As-siyam, as-siyam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit as-siyam yom al-eid. La tasoum yom al-eid, ma'ruf. Le fait que cet interdit-là, il est lié directement à quoi ? La ibada qui est siyam. Cet interdit-là, il est lié directement à la ibada qui est siyam, c'est-à-dire interdit le jour de l'Eid de faire siyam. Celui qui jeûne yom l'Eid, quel est le jugement de cette adoration-là ? Elle est invalide. Pourquoi ? Parce qu'elle a perpétué un interdit qui est lié directement à cette adoration-là. Tout interdit qui est lié directement à l'adoration, c'est-à-dire qu'Al Abiswam il a interdit une chose qui est propre à cette adoration-là, si jamais tu le fais, cette adoration-là, elle va être invalide. Comme c'est le cas, mathalan, de salat, fi waqt al-karaha. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire, yani, car cette heure-là, c'est une heure que le prophète sallam, il a interdit. Mathalan, comme c'est le cas après le fajr, il a shuruq. Ou bien, au moment où, du zénith. Un petit peu avant zénith. Ou bien après l'as, il a khirihi. C'est des horaires où le prophète sallam, il a interdit. Il a interdit que la personne mathalan la fasse des prières tatawwu'an, des surreversions. Celui qui fait, il veut adorer Allah Azza wa Jal, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments où Nabi Sallam il a interdit. S'il le fait, il ne sera pas rétribué. Il n'aura pas de récompense. Pourquoi ? Parce que c'est un interdit qui est directement lié au moment où plutôt cette ibadah-là. C'est-à-dire que si jamais tu le fais à ce moment-là où ça a été interdit, ton acte d'adoration il ne sera pas compris, il ne sera pas considéré, il sera invalide. Katalika, il est interdit dans le wudu at-ta'addi, c'est-à-dire de dépasser le nombre qui a été légiféré. Celui qui fait le wudu et il passe dans chacun de ses membres, gagne 4 fois, et ensuite il veut prier, c'est katalika, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, c'est-à-dire que même si jamais il a fait au moins une fois et s'est lavé les membres, le fait qu'il a fait 4 fois, il a interdit de yani at-ta'addi, c'est-à-dire de dépasser le nombre qui a été légiféré. 4, 5, 6 fois, il passe le wudu sur ses membres. Sa salat ne sera pas acceptée. Pourquoi ? Parce qu'il a commis un interdit qui est directement lié à une condition de la ibadah. Quel est le jugement de la condition lorsqu'elle est absente ? Elle va donner l'invalidité à l'adoration. Kazalika, lorsque tu commets un interdit qui est lié directement à la condition, c'est comme si jamais tu n'avais pas ramener la condition, et parmi les conditions de la salat, c'est comme si jamais il n'avait pas fait le wudu, même si jamais il l'a fait. Lakin, il a fait d'un interdit qui revient directement à quoi ? Cette condition-là qui est une condition parmi les conditions de la prière. Les exemples par rapport à. Pour cela, ils sont nombreux. Amma, si jamais l'interdit, il ne revient pas directement à quoi ? À la prière. Mathalan, plutôt pas à la prière, mais à l'acte d'adoration. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit aux hommes de porter al-harir, la soie. Il n'a pas interdit, il n'a pas dit la tusallu ma'al harir. Il n'a pas interdit directement de prier avec quoi la soie. Lakin, il est interdit d'une manière générale. Que ce soit en prière ou en dehors de la prière, la soie est interdite. Celui qui prie avec un vêtement de soie, quel est le jugement de sa prière? Il a commis un acte qui est interdit. Lakin, cet acte-là qui est interdit, il ne revient pas directement à quoi? À cette adoration-là, qui est la prière. Là, le jugement de la prière, sa prière-là, elle sera quoi ? Elle sera valide, laquelle il aura commis un péché. C'est-à-dire que sa prière, elle sera diminuée au niveau de la récompense. Laquelle, elle sera valide. Elle sera valide, il n'aura pas à la recommencer si jamais l'heure, il est imparti pour cela. Au cas des cas, ils ont évoqué parmi ces cas-là, « As-salat fi al-ard al-marsouba ». Il est interdit dans l'islam de prendre la place à quelqu'un d'autre. Hein? Celui qui vient et volontairement pousse un autre pour prier à sa place. Hein? Il veut prier à sa place dans le premier rang. Il le pousse, le rejette dans le deuxième rang et il prie à sa place. Hein? Cet interdit-là, ce n'est pas un interdit qui revient directement à l'ibadat, qui est la salah, dans ce cas-là. Le jugement de cette prière-là sera valide avec le péché qu'il aura commis, c'est-à-dire d'avoir pris la place, d'avoir prié dans un endroit qu'il n'avait pas le droit de prier, parce qu'il a pris la place de quelqu'un, par force. Il aura un péché, laquelle sa ibadat, cette ibadat-là sera quoi? Elle sera valide. Donc il y a un farq à faire entre quoi? Les interdits qui reviennent directement aux actes d'adoration et aux interdits qui sont globales. Les interdits qui sont globales, lorsqu'ils sont perpétués, ces genres d'interdits-là qui sont globales, l'acte d'adoration, il ne sera pas invalide. Il sera valide, laquelle la récompense sera diminuée. Alors, si jamais c'est un acte, cet interdit-là, il revient directement à l'acte d'adoration, comme on a pu citer à travers ces exemples-là, la prière sera quoi? Ou plutôt, l'acte d'adoration, il sera annulé. Pourquoi? Comme ils disent, النهي إذا كان راجعا إلى ذات العبادة يبطل الصلاة يبطل العبادة. L'interdit, lorsqu'il revient directement, il est lié directement à la ibadah, si jamais tu le fais, ça va annuler cette ibadah là que tu as fait, et si jamais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la ibadah, ça ne va pas l'annuler, lakin ça va diminuer la récompense de cette ibadah là. Donc ça, c'est un résumé qu'on a pu voir aujourd'hui. العادة محكمة محال المحذور أن يعاقب بنقيض قصده وأن النهي إذا كان راجعا إلى ذات العبادة أو إلى شرطها يبطل أو يكون فاسدا. C'est ce qu'on a pu voir à travers les قواعد d'aujourd'hui. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, dans une prochaine assise, on poursuivra le dars. S'il y a des questions, inch'Allah, sinon on se contente de cela. مع تحية دمام.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.